Boum boum. Boum boum. Musique française curieuse. Tous les mercredis de 22h à 23h sur Prune 92 FM. Il est 22h, vous êtes sur Prune et vous êtes à l'écoute de Boum Momo. Cette semaine, nous accueillons Tom Val, jeune DJ et producteur originaire de Paris. Il a monté ses propres labels et sort ses productions en petite quantité, en vinyle, en cassette et en CD. C'est un grand fan de jazz à qui on était impatient de confier une émission. On n'est absolument pas déçu avec ce mix jazz, chanson, folk, psyché de très haut vol. Une sélection qu'il présente lui-même brièvement. Je vous laisse vous installer confortablement. Vous laisse en compagnie de Tom Val pour une heure de mix éclectique. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les petits loups. Tom Val pour Boum Bomo. Une heure de musique française obscure, chanson outsider et folk psychédélique. En haut de la colline, quand le souffle décline, il fait bon s'arrêter. Il fait bon regarder le chemin parcouru, le chemin de la vie, le parcours long vécu. En haut de la colline, il fait bon s'arrêter, car le pas devient là, le regard se fait court. Il fait bon écouter, grimpant au loin, l'écho des chansons, des espoirs, des rêves obtenus. Il fait bon s'arrêter pour reprendre son souffle. Il ferait bon rester à regarder encore. Allons, allons, il faut descendre. L'autre versant attend déjà. La nuit s'annonce. Il va faire froid. Est-ce que je peux en avoir marre d'ici en ce moment? Maintenant, le matin, je me lève. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir, mais bon Dieu. Mais je sais pas pourquoi en ce moment, tout me paraît vide. Tout ce que je peux faire me semble impossible. Je sais pas, j'ai l'impression d'être seul, abandonné. J'ai l'impression qu'on m'a mis dans le désert, qu'on m'a dit, débrouille-toi maintenant. Puis je sais pas, ils sont tous là à me regarder. Il y en a un qui... il me regarde doucement et puis il se dit « Oh, ça va pas en lui en ce moment, je sais pas, mais il est pas comme d'habitude. » Oh, fatigue, effort de ce monde, fatigue universelle, inimitié. Lorelou, j'ai peur. Par moments l'obscurité, par moments les bruissements. Écoute. J'approche des rumeurs de la mort. Tu as éteint toutes mes lampes. L'air est devenu tout vide, Lorelou. Mes mains, quelle fumée. Si tu savais. Plus de paquets, plus portée, plus pouvoir. Plus rien. Petite. Expérience, misère. Qu'il est fou, le porte-drapeau. Il y a toujours le détroit à franchir. Mes jambes, tu savais, quelle fumée. Mais j'ai sans cesse ton visage dans la carriole. Avec une doublure de canari, ils essayaient de me tromper. Mais moi, sans trêve, je disais corbeau. Ils se sont lassés. Écoute, je suis plus qu'à moitié dévorée. Je suis trempée comme un égout. Pas d'année, dit grand-père. Pas d'année où je vis tant de mouches. Et il dit la vérité. Il l'a dit sûrement. Riez, petit sot. Jamais ne comprendrez que de sanglots il me faut pour chaque mot. Je me demande si j'ai vraiment changé. Moi, le gars, depuis toujours indésiré. Pourquoi, face à tous mes problèmes, n'avez-vous toujours eu que des on-t'aime? Délibérément enfermé par un monsieur trop occupé qui n'eut pas le temps d'apprendre comprendre que j'avais pas 15 ans, que j'étais pas inadapté, seulement mal aimé. Mais il avait fait son turbin, je ne serais jamais un être malfaisant. Il pouvait se frotter les mains, il faisait le bonheur de mes parents. J'étais le fruit de l'amour obscène de ces gens n'ayant qu'un souhait, voir partir ou crever. Mais comme tout chien abandonné, tremblant aux pieds de ceux que j'aime, je les éclaboussais. Avec vos gueules de déterrés, vous commencez vraiment à m'ennuyer. Jouez pas les cœurs compatissants, n'avais pas à juger mes parents. Je ne blâme ni mon père ni ma mère, je ne fus pas leur bouc émissaire, seulement leur cauchemar. Et je dus payer chichement ces noces au masque blafard dont je suis l'accident. Je crois bien quand même que j'ai changé, je crois bien que vous n'y êtes pas étranger, car devant mes pluies, mes orages, vous avez su rester stoïque et sage. L'anarchie. Y'a des planqués sur cette terre, y'a des gens qui ne le sont pas. Y'a des jeunes qui vont à la guerre, des vénards qui n'y vont pas. Y'a des militaires de carrière, des adjudants d'enfants de putain qui restent en pantoufles à l'arrière, qui ne vont pas se faire casser les reins. Y'a des planqués sur cette terre, y'a des gens qui ne le sont pas. Y'a des jeunes qui vont à la guerre, des vénards qui n'y vont pas. Y'a des curés sur cette terre, y'a des gens qui ne le sont pas. Ils sont tous là quand on vous enterre pour bien jouir de votre trépas. Y'a des bigots qu'on vise en prière, de vieux cafards, de sales crétins. Moi je leur montre mon derrière en guise de Luther et Calvin. Y'a des curés sur cette terre, y'a des gens qui ne le sont pas. Ils sont là quand on vous enterre pour bien jouir de votre trépas. Y'a des brigands sur cette terre, y'a des pauvres en veux-tu en voilà. Y'a des riches qui nous gouvernent et nous votons pour ces gens-là. Y'a des cons sur toute notre terre qui resteront toujours des cons. Ils ne seront jamais assez téméraires pour casser la gueule à tous les autres cons. Y'a des richards sur cette terre, des curés, des bourgeois et des culs. Des cochons de militaires de carrière. Faudra pourtant bien qu'on les tue. Fleuve royal, que de fois le poète t'a chanté. Pourtant, tu ne sembles qu'indifférence et cruauté. Que t'importe manoir, château, témoin apaisant du temps qui passe, vieille maison de tuffeau, antique demeure si lasse que peu à peu le progrès efface. Indifférente à l'arbre que ta crue emporte, ses branches dressées vers le ciel, majestueux dans une muette supplication. Indifférente aux passants qui s'assied et te contemple, quand le sable lavé roulé que tu charries au gré de ton caprice te creuse une couche où enfin tu sembles te reposer, quand l'été tu paraisses au creux de ton lit. Cruel envers tes sujets, quel tribut doit-on encore payer quand du fond de ton lit un remous monte et efface non sans ride l'imperfection d'un homme sur ton mouvant manteau. Pourtant, les matins d'été, dans les crins de la terre mouillée, ton haleine embue le paysage. Tu sembles irréel, comme dans un rêve, un oiseau t'effleure de son aile. L'éclair d'argent d'un poisson semble te briser. Tu es belle. Tu es belle quand quand le ciel d'un seul coup te rejoint, dans un baiser brutal que la pluie te cingle et te pénètre pour féconder la graine de demain. J'aime ta complicité quand, dans la tiédeur des soirs d'été, mains amoureux enlacées échangent des serments qui font des murmures que tes clapotis s'empressent d'étouffer. Belle et cruelle, intouchable maîtresse qui semble se donner afin de mieux posséder. Loire, je t'aime. Les mots caniculent et tirent incertains leur conciliabule aux ocres lointains. Ma marée s'arrête au volcan soudain quand je frise tempête, quand j'essuie mon grain. Inagité serait l'onde douce, lise les songes s'il te plaît. T'as jamais s'enlisé. Inagité serait l'onde où se lisent les songes si n'était. Polaire palpite latent, inaudible en l'air, j'entends la banquise entière, l'appel du bel et pâle vent d'hiver, un songe bleu sang. Inagité serait l'onde où se lisent les songes s'il te plaît. Jamais s'enliser. Inagité serait l'eau où se lisent les songes. Tu tiens, tu ne sais plus qui tu achètes à la bourse des minettes. money is always ridiculous. Oh, change it, change it for love. Une pouliche pas trop farouche qui frémit quand ta main la touche, que tu chasses au petit matin pour cuver seul ton mauvais vin. Money is always ridiculous. I'll change, change it for love. Ton coupé sport, c'est ton plaisir. C'est un passeport pour mieux jouir. C'est une drague pour mieux mourir dans le décor des souvenirs. Money is always ridiculous. Change it, oh change it for love, love, love, love. Tu changes de voiture et de fille avec ta morgue de joyeux drille, mais t'as beau jouer au fin stratège, tu tournes sans fin ton manège. Money is always ridiculous. I'll change it, change it for love. Love, love, love, love, love. Mais tu t'en vas et tu t'en viens. Tu ne sais plus à qui tu tiens, peut-être à ta gueule de vieillard. Ce n'est pas déjà trop tard. Money is always ridiculous. I would change it for love, love, love, love, love, love, love. Oh, change it. Pas. La carte qui t'a fait reste là. écouter dans le vent. L'aigle a vaincu le temps. Perles bleues sur leur peau, éclairs dans leur couteau, ressortez de dessous la terre, des terres et lâches de guerre. Chiricahuas, Mescalero, il n'y aura plus de San Carlos, Geronimo. Il chassait le puma, coureur de la Sierra, frère de la nature, leur vie était très dure. Vous pouvez sortir de vos trous, 50 étoiles brillent pour vous. Chiricahuas, Mescalero, il reste encore des buffalos, Geronimo. Tuer ta femme, partout y avait des flammes, les enfants égorgés, tout autour s'écroulait. Tu n'as pas pu te retenir, fallait tuer pour en finir. Les Mexicains à Sonora, les sommes blancs d'Arizona, Chiricahua. Combat après combat, l'usine n'était plus là. Yeux rouges vers le sol était vermeil. Vous étiez frères, ils le savaient. L'un de vous deux fut invité. Ils l'ont assassiné, je crois. Mangus était bien comme toi, Chiricahua. Ils étaient les plus forts dans le train de la mort. Ils vous ont enfermé. Pour eux c'était gagné, il leur restait toutes les terres, le whisky coulait dans leurs verres. Chiricahuas, Mescalero, tu avais dit ton dernier mot, Geronimo. Vent dans le désert, mêlé à la poussière, résonnent les tam-tams, le cliquetis des armes, le grondement de ces troupeaux, bras de marée sous leurs sabots. Chiricahuas, Mescalero, il n'y aura plus de San Carlos, Geronimo. Geronimo. Le monde est fatigué d'une église qui ne prêche que la mort et la croix. Qui osera nier que le monde n'a jamais été plus absurde ? On voit réapparaître l'idée illusoire que la paix ne peut se fonder que sur la terrifiante puissance d'armes extrêmement meurtrières. Rêve apparemment fou, la terre doit devenir progressivement le ciel. Bura, Les survivants d'Hiroshima, on les appelle les Ibakusha. Rescapés du Picado, le Picado éclaire, boum! Bura, bura, bura, bura. Insère des os et tissus organiques, espérance de vie réduite. Nausée, vertige, bura, bura, bura, bura, bura. Les Ibakusha souffrent d'un mal étrange et difficilement définissable, baptisé Bura Bura, la maladie du rien faire. Le ministère de la Santé japonais a été obligé de classer les Ibakusha comme invalides, au même titre que les leucémiques. Palpitations, trouble de la mémoire. Bura, bura, bura, bura, bura. Dans la ville nouvelle, trop malade pour travailler, pas assez pour mourir. Les nouveaux venus croient le mal atomique contagieux. Nous ont privés de bains chauds. Bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura. Selon une croyance japonaise, les guirlandes de papier suspendues au plafond peuvent favoriser la guérison des malades. Bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura, bura. Thank you. 3, qu'est-ce qui va tout droit? 4, 5, 6, colle au pain d'épices. 10 plus 3, qui ne vous lâche pas? 68, c'est une petite fuite. 123, mange un poulet froid. 1010, la tasse se brise. 1, 2, 3, tu ne sortiras pas. 1, 2, 3, tu ne sortiras pas. 1, 2, 3, tu ne sortiras pas. Qu'est-ce qui va tout droit? 4, 5, 6, colle au pain d'épices. 10 plus 3, qui ne vous lâche pas? 68, c'est une petite fuite. 123, mange un poulet froid. 1010, la tasse se brise. 1, 2, 3, tu ne sortiras pas. 1, 2, 3, tu ne sortiras pas. 1, 2, 3, tu ne sortiras pas. La danse est inégale. Il faut trouver le là. Dans cet univers mort, j'apprends où est le mal. Ah, il triomphe, je sombre. Pourtant c'est mon saint graal. Vraiment est-ce inégal? Je me sens son égal dans cet univers mort. Croc de mal malin. Quand l'amour s'est enfui de nos têtes de lit, les mots reprennent place, les mots deviennent venin. Entre nos 20 000 mains, le bois de musique sait. Alors le cerveau baigne dans le sang de leur miel. C'est la rumba du mal, au rythme du monde mal. Être l'esclave légal, avec eux c'est légal. La danse est inégale, mais j'ai appris le la. Dans cet univers mort, je sais où est le mal. Le maître des forces de son être, égal ou bien esclave, je suis toujours légal. Et si je me veux vivre, je n'ai d'autre secours que le cri des maîtres quand mes yeux disent je t'aime. Pour oublier mon mal, et de danser toujours une rumba de haine. Mais dont seules les sirènes connaissent tout le mal. C'est la rumba du mal qui traîne dans les bas de ce monde de mort où languissent les esclaves au rythme. Mamie, mamie, jolie, jolie, mamie, jolie, dis qu'est-ce qu'on fait ici? Le ciel est tout gris, le soleil est-il donc tombé au fond du puits? Derrière le tas de charbon, chante, chante la pluie qui tape sur le bidon. Chante, chante la pluie, mamie, mamie jolie. Mamie, mamie jolie, chez moi dans ma maison, j'ai de jolis perdrix qui ont de jolis prénoms. Tu sais quoi ces prénoms? Chez moi le canari, il s'appelle Robinson. Mamie, mamie jolie, c'est de jolis prénoms, l'une s'appelle Raison, l'autre Grain de Folie. Qu'est-ce qu'elles font tes perdrix? Elles ont des drôles de noms, c'est pas comme Robinson. Mamie, mamie jolie, elles chantent des chansons, et quand l'une dit oui, l'autre dit toujours non. Dis pourquoi elle dit non, si l'autre elle a dit oui, qu'est-ce qu'elles ont tes perdrix? Mamie, mamie jolie, elle dit oui, elle dit non, pour faire rire les petits qui courent dans la maison. Dis qui c'est ces petits, chez moi dans ma maison, y'a que moi et Robinson. Mamie, mamie jolie, j'ai beaucoup de petits qui ont beaucoup de prénoms, alors je les oublie. Dis pourquoi tu oublies, moi jamais je l'oublie, mon joli canari. Mamie, mamie jolie, tu sais je les oublie, parce que c'est loin d'ici, oh c'est loin ma maison. Aller aussi, moi et mon Robinson. Mamie, mamie jolie, c'est dans un beau pays où le soleil jamais ne tombe dans le puits. Dis, on ira aussi, moi et mon Robinson. Dis, on ira aussi. Peut-être un jour, mamie, peut-être un jour, jolie. Chante, chante la pluie qui tape sur le bidon. Chante, chante la pluie, mamie, mamie. Thank you. Thank you.